Grazie. Les carottes sont cuites. Un extrait d'Aléa, paru en octobre au Bleu du Ciel, particulier mon général. N'importe qui, l'autre pour être, effacé, très progressivement, dans la petite cuillère concave, vue hier dans la boîte, à camembert, plus rien, hop, et ne tient qu'à, degré d'incertitude, entre et entre, les visages fermés de la salle d'attente n'attendent rien qu'un soulèvement d'eux-mêmes. Sans référence, défaite un il, en amoindrissement, permanent, glace sans teint, et quand discontinue, continue dans le rétroviseur la ligne, pas d'évaluation, le pire passé, le meilleur, à venir, soap opéra, passe partout contre trou, déroulé contre varié, espérance de vie inférieure ou supérieure, série perd et manque, plusieurs, il parce que, il, plus il, plus il, etc., ne font jamais il et ne font que sur l'image, pas de construction, manquer et manquer, etc. Dire c'est cela, oui, ou dire c'est cela, non. Impasse entre et toujours entre, produit, délivre, l'impasse comme fuck, se soucier de l'impasse, de l'impossibilité de passer outre, de prendre, tirer de l'un, passe lié à etc. dans les glaces des voitures, à la foire du trône, pas vu, hier c'est hier, quoi d'autre? Projet évident, le moulin à café, les chats, chiens, poissons, le râteau, l'appel, it's so crazy man to make one's own day. Éviter d'en avoir trop sur la conscience, d'être conscient, de se ranger parmi ceux qui et que peuvent dire tout discours italique. Le navigateur aux pieds insensibles passe par-dessus bord, serrer les gnoses, quotidien amassé. Aléa, non, alias d'accident, pelage des couches incidentes, réflexion des lueurs, et alors? Alors, fromage frais, con, goutte à goutte dans le frigo, goutte, ni vrai ni faux intérêt, alors le pieux démontage, moteur X congelé, saturé d'huile, il ne passe rien, bloqué pour exécution, parfaite, prétention, pénétration parfaite, dans l'air encombré, vanille, vanille, envahissement, évanouissement, tasse, tasse, on boit. D'un coup, elle respire, aime ça, autostrate en lambeaux, quel style, résurgence et compagnie, n'est pas allé à l'école parce que c'était un, a écrit ses premiers poèmes, proclame, ça jouit de son trop, papa, maman, la bonne, et ça avance à pas compter. Oh, les fleurs sur la table, le et le, tous les jours. Il avance, vit les formes et son poids de, en 1900. Boucle à boucler, rien n'y fait. Même la tension étourdie, suée par le monde, derrière se marionnettise, chuchotie pour la forme, semblant d'englobement. Colle qui colle, il avait oublié le mixeur dans l'évier. Qu'en conclure. Les carottes ne sont pas cuites, mais alors pas cuites du tout. Un extrait, un premier extrait d'Hiver, H-I-V-E-R, qui a été écrit à la Villa Médicis. Du matin, dans la position du mort, le chiffre 13 serré de près, sait s'il y a musique, indiquer laquelle et quand. On aimerait être lancé comme des bolides et rebondir sur des trampolines trop longs. Cela commence par de l'incomplet, le rêve coupé net et le dernier « là » de la chanson radio. Il faudrait des cisailles pour couper encore à l'intérieur. Le qui ne s'emboîte vaut bien le qui ne se ferme de biais. Il reste toujours quelque chose à atteindre. Les choses vont sans aller. On se réduit non à être, mais à aller. Autant mourir tout de suite dans la neige. Le monochrome n'existe pas, mais les camailleuses invisibles laissent des traces sur la paupière exercée de l'opinion publique. On ne se lève jamais assez tard. On ne se lève jamais assez tard répond à la question comment joindre une heure bleue hypothétique à un grand saut dans le vide. Question de disposition. Question de calcul quand les jumelles zooment sur un paysage préparé. Les boucles ne se bouclent pas, les trous ne se bouchent pas. Bouche fermée, on dort, oiseaux agrippés au vide. Le vent est glacial, on décrirait la glacialité du vent, ou le vent est glaciel avec changement de focale. La lumière importe peu comme le danse, qui est compact, épais, Robert, et la danse seule, l'impromptu, avatar d'incomplétude. L'impromptu a sa qualité d'être sous la main et sans apprêt, sans vernis. La pensée aussitôt prend son propre pouls, pas de dégazage du rythme. Ou un dégazage exemplaire, on apprend tout le latin par cœur, on le débite par morceaux, fluctuat, nec, mergitur, on apprend des citations par cœur, dans un lagard des michards doué d'obsolescence, on est obsolescent. Le rythme dégazant par saccade, un catalogue de propositions éventrées. On regarde bien les chiens ronger leur os. Dans le soudain, il y a un corps. Le froissé des draps ne fait pas un lit ni ne le défait. De la fenêtre ne sort de bouche béante pas plus de langage que de celle d'un mort. C'est vite dit. Faites autrement. Au marbre, abstiens-toi de parler et dans la bise, ne se trouve pas la solution ni dans la glace. Pas de reflet. S'auto-justifier lorsque du matin n'est pas encore sorti de sa nuit est un préalable pas si morose. On ne cherche pas à savoir ce qui peut, ce qui est, on arrive. Plus précisément, commencer à s'auto-justifier, couilles chaudes sous les couvertures, la tête un peu plus froide, sans risquer de s'ébouillanter. D'abord maintenant. Les sous-marins ne sont pas inondés d'apnée, plus précisément. L'heure des écoles ne sonne pas à heure fixe ou n'a pas à sonner qu'on ne l'entende assourdi. De l'incomplet encore, de s'y mettre et de laisser tout en plan, c'est-à-dire courbe, sans se laisser aller, mais par giration n'arriver à rien, ou de part en part et de part et d'autre, emporté par des plis d'une étoffe jaune et un carré d'azur. On ne trouve pas le point, il n'y est pas. Petit oiseau transi chante au-dessus des galères sur la plus basse des branches givrées et relève le bec comme ça. Ne se confie pas, ne gesticule pas parmi les drames baroques de la saine humanité. Il refuse son corps de son bec agité social. L'auto-justification est un bleu invisible au marché des ânes. C'est par cette porte qu'il faut passer, qui ouvre sur un couloir d'hôpital et la table de dissection d'un petit déjeuner offert. Maladie des corruptions où l'on souffre sans souffrir d'un coma éveillé. Patience, patience. Jamais ne s'aboutit ta patience. L'agité est le plus fort. Tête de marbre glacée. De l'incomplet par la faute des autres, le coup fatal jamais achevé, multiplie les décharges et les évanouissements. Jeté par-dessus bord, ne dit rien de mourir, dit « Des profondeurs, si rien ne nage, viendra le salut. Au tâté du pouls, un laisser-tomber de l'aide-soignante de quart. » Quand on parle de miasmes, les miasmes débarquent, effet auto-persuadant. Le chauffage est à bloc, migraine auto-justifiée, quand le on s'éveille de présumés rêves malheureux. Le tour du monde de 80 voiles dans un poteau noir. Après les découpages, dispositions, espaces et les trous qu'on ne veut pas combler, on n'est pas terrassier mais fractureur de portes qui rit sans mystère au nez et au bec. Peu de lumière passe, ne rien lui céder. Pas de phrase mais un ton, dessous l'oreiller, collé à l'oreille, transmission nulle, le bois craquant, n'a pas sa place dans le dispositif. Quand c'est la ruée, l'abordage d'une rame qui tonitrue silencieux dans les Walkman. Ne pas perdre de vue, se renseigner à la une, que perdu dans tous, on ne peut être tous, ni même contre tous, le sang des épées n'est pas conducteur. Caché parmi les draps, la sociale radiance ne se glamourise pas, malgré le glacé saisonnier. Les tambours frappent trop fort pour achever leur travail en conscience. C'est joli, hein ? Les carottes sont presque cuites. Des extraits d'Exuel, un livre qui va paraître aux éditions Aldante au printemps. Premier rêve en noir et blanc. Je rêve d'une statue nue, sans tête, qui tourne à 360 degrés, ses seins, son ventre, son nombril. Ce n'est pas poussé dans les cabinets. La bite ne prend pas froid, ou le froid comme condition. C'est celui qui pousse, il a chaud. Essoufflé, il pousse, il a pris son élan. C'est le contact aussi, avec les mailles. L'éblouissement blanc. Seule l'irruption et le geste, et le désir du geste, et le désir avant le geste, la raréfaction de l'air, la moiteur du bas-ventre, puis l'irruption et le geste, et disparaître, le désir évanoui, assouvi, surtout n'avoir rien vu, n'avoir voulu rien voir, c'est le geste, brise l'élan, satisfait le désir, d'un seul coup. Le visage dedans, pas de moment pur, maintenant seul, vaseliné d'effroi. Sur les coudes et un poids tombe, tu roules, il ne bouge pas, saisis sa main, son sexe, béance, un à peu près, coincé le long d'un mur, dire stop, et un grand haut, repousse la limite. Maîtrise de l'oscillation, encore imparfaite, ouf en saccade, ton derrière blanc. Ça se disloque, hésite et reprend. Chair de premier choix, les cheveux blonds anonnes. Le rouge arrive et ses lèvres dessinées au scalpel. Tranchant, découpe, reprend la découpe, petit point rose autour de l'urètre. Ils se saisissent et découvrent le blanc. L'invasion de l'Afghanistan. Encore, encore. Rien ne se dénoue, mais tout se fait. Et non, le recommencer, inabouti à aboutir. Deux corps se gluent, l'un sans l'autre, s'agglutinent, verre sur verre, potage accoucheur sans douceur, bavard, ils gigotent, trouvent des trous, les enfoncent de doigts de longue durée. Ils gigotent, l'irritation et un mime. Dextérité d'apprenti sauve-la, ça tient. Dans un lit, sur un tapis, sur l'autre lit et d'autres, encore d'autres sans nom, mais elle rit. Voir enfoncé, ce sont des poils secoués, des cheveux taillés dans l'eau, en deux spirales disjointes, les seins petits, le sexe sans odeur, emballés dans un frigo. Il voit sa queue s'enfoncer dans un paysage de dryades, tronc après âge, nombril écarlate. La main ne remonte pas, ne sait quoi faire de la main, la main pas palpeuse, elle prend, remonte. Remonte les mécaniques et on arrête. Crispation, on arrête. Et les visages nets ou flous et des baisers encore. Compensation et des caresses, haute, collier, montre, bague, totalement nue, totalement. Et des caresses, pour rien, pour y voir, attendre, saisir, un bon moment arrive tard. Ce bon moment, malheur de l'incomplet. Et ils reprennent, reprennent au sprint, déjà 6 heures, congelées, qu'on a d'autres robes scotchées au petit déjeuner, l'espoir au freezer et sa frise partout, 4 saisons en moins, ou la laitière dans son échancrure, la clé. Alors redouble, se dédouble, se retranche, plonge, ajoute 2 aux 1, d'autres sexes, seins, fesses qu'il touche et mieux. Ne vois pas le résultat est là, dans l'amochement des caboches, coin enfoncé dans des fantasmes, réalité révélée. Caserne, baignoire, sœur de machin, parachutiste. Qu'est-ce qui ne va pas? Sous les poupées, le tambour s'empile, l'autoportrait de mère en fille et le chien qui mord déchiquette, mais c'est long, et le lambeau, le cocon de chair, trampoline de souvenirs, qu'est-ce qui ne va pas? À la cave, ma vieille ou ma chérie, l'enfant déboutonné, prête à masturber, si le bouton a déjà sauté ailleurs, ou la cave s'appelle, près des escaliers, la toilette réduite au mot lavabo et à toute homophonie véritable et probable. D'un lit à l'autre et sur le sol, égal, psittacisme des gestes, hanche pour hanche, recul pour recul, venir et venir et s'écarter, écart pour écart et revenir, égal, ensemble vide. Se fiche de leurs doigts, répéter, index pour index, un O, car un O, un A, c'est un A, c'est un A. Des doigts partout, l'amour, l'éruption physique, nulle part, bonnet d'âne, et dans le coin, dans le cabinet, noir, sous la table, la culotte descendue, la fessée, l'ardoise et la giclée d'encre sur le cahier. Le bonnet pour à demi quoi? À demi et l'autre part, sans constitution. Ne pense pas laitière pour faire venir, mais concentre les vitesses. Derrière le rideau, le monde, derrière le monde, le rideau, baignoire et abordage, abordage le long d'eux, à travers là, pour qui suit la cuisse. Et surtout ne dis rien, suis la cuisse, c'est un crabouillage. Ça crabouille devant, crabouille tout, un à un, autre et autre. C'est parti, stoppé, parti, un et autre, un, autre en demi-fond. Abaissement, voleur, volé. Et surtout ne dis rien, c'est fini. Ce n'est rien. Un écartèlement entre retenue et désir, ou un écart, et ça déborde. Lentement. On dit altération et falsification. Et toi, tu le sais, toi qui refuses les pyjamas pendus au plafond, laisse ta chemise déboutonnée et choisis ton lit déjà peuplé. Tu sais quelle sera la fin et ce que tu attends, posé au bord. Tu attends la minute et la minute vient et elle finit comme elle vint, son désir ne recouvrant pas la retenue, ni la retenue son désir. Et tu répètes et répéteras simplement la minute que tu tiendras, qui t'appartient quand tu dis « C'est tendre, il est tendre, il aura été cette tendresse. » Tu vendras ta chemise à l'altération, puis à la falsification, là où il n'y avait que débord et oubli de soi. Se masturbait dans les myrodromes pour clarifier la glace sans teint, épaule contre épaule où la hanche frotte la hanche, n'importe, ils y vont, l'autre de même, tous en sursis, valeur du jeton, durée des agaceries. Même elle s'agace, cela vient ou ne vient pas, dans son corsage sans caresse à l'étoffe trop raide. Tant pis, demain, la femme s'entête. On s'attaque à l'humide, vérification des pouvoirs, on en colle une contre l'autre. Peu de densité, ça vibre sur pile, peu de densité. K1 ne colle pas sa bouche sur celle d'Abel. Vérification des pouvoirs, débuscage adroit, fesses perdues dans les cheveux. Vérification, la jalousie s'étreint puis s'éteint redondante. Ôter son slip, vérifier que les quoi fonctionnent. Et la loi, qui surabonde, indiscernable, rentrer. Qui surabonde, indiscernable, rentrer. Il faut grimper sur le toit, décourager la plèbe et le vide. Dans sa chemise, là, un grain de beauté. Les cloches de la ville de Nantes, la permission de sortie, l'enfilage des bars. Ton prénom n'est pas inconnu, mais oublié, peut-être Élisabeth, comme la sœur de Louis XVI, moins orant qu'offrant. La camionneuse, sa copine, est d'extrême droite, comme elle vit avec des Écossais dans un foyer de travailleurs, timbré pour Londres, cachet de la place Gralin. Les voitures sont d'extrême droite, tamponnées sur le haillon d'un cœur encore saignant, dans tout socialiste un carrier, dans tout carrier un génocideur. Sachant cela, ses parents royalistes font ronfler le « de ». Elle se suffit du nom d'usage, se prolétarise lentement, non comme il le faudrait. Chaume, spectacle réjouissant, Lavallière en toque, espoitrinée Bourbon. Tu avais dit bar, mais au singulier, bar de la romance avec un rejeton d'un ministre de Pétain. Allons-y. Tu avais dit bar et la tirelire sur le comptoir, estime le pourboire pour le front, à un aller, mon gars, un franc. Sachant cela, ferme les vannes et au premier baila une étrange porosité, l'intrusion factice du monde extérieur, l'appel de l'étranger, vautré sur l'autre sein, y passant la main. Tout finit comme tout doit finir, par le lynchage du communiste. Qu'est-ce que tu vas faire ? Baiser. Baiser avec lui, es-tu folle ? Et folle, elle fut. On l'adjure de ne pas traîner des pieds. Elle soupèse sa scoliose, dont le rapport avec ne s'avère jamais. Malade, elle reste au lit et pleure dans le métro, à l'arrêt du bus aussi. Elle lui a demandé enfin, l'enfin n'en finit pas. La nuit, quelques nuits, le jour, on compte discrètement, et la nuit de l'enfin, au crépuscule, plus prolongation. Elle possède une médaille autour du cou, elle le gêne. Réfuter cet incomplètement par souci d'écartement. Tout doit disparaître sauf l'essentiel, l'immatière réelle, le pfuit des nervures, l'en deçà. Il ne suffit pas de dire bite pour dire quelque chose, même plié en deux, multipliable dans une tautologie. Elle s'accorde, c'est un léger percement. Lui va droit au but. On sait qu'il n'évoque pas les objets utilisables. Il navigue seul, s'ouvre ou gonfle, sans pédagogie. L'enfin fini, tu règles la note au téléphone. Des éclairages secs et la main tendue qui passe et s'attaque à tout, même à l'air. Non pas battre, mais vivifier, vividifier, battre les fesses, ça oui, battre le grêle, l'amorphe ou l'histrion caché, face de branleur, quelle heure est-il ? L'entreprise hardiment, douceur supplémentaire, un entremêlement, comment ? Pas de pourquoi, pas de pourquoi, pas de pourquoi, l'amant pas encore dans le placard, sous l'emprise des draps, le tournicotis tournicotant de la torsade, du nœud, du torchon, de la torchée, vive, et vive sans avoir rien, rien à se mettre. Palinodie. Le mot ne lui dit rien. Boit dans le verre vide, à peine de l'écume, elle s'écoute au diapason, le la mal placé, sol triple dièse, manque d'iris et de fleurs de tous âges, qui aurait dit printemps, mais fumée, alors, fumée. Dans le sol, une fin en soi, boogie-woogie dans les coins, glissement des liquides, et doucement, une poussée. Doucement, elle résiste. Trop tôt pour actionner le baromètre de l'imbibition. Exploitation des richesses, retour sur retour, sur place, puis un genou. Laisser passer une tornade, l'enflement des sons. Tu poses nu dans un lit de 60 cm de large, pieds et joues. Tu es l'habituel. C'est alors que dans la cour, il n'y a pas de raison. C'est d'ailleurs, c'est alors que la main agrippe, ne saisit pas la main, jaunisse de piou-piou, oui-oui et le ballon rouge, arriba, arriba, arriba. Le déhanchement fautif des tickets de cinéma glisse sur les doigts et est déchiré, sans poche, un vrai destin. Artificialité de la lumière, l'obscurité ne dure pas, faisceau surgit et du langage. Son. On se croirait dans un bocal, fermé hermétiquement, effet de muffling quand elle l'embrasse. Il la masturbe quand le café noir fond dans les tasses. Elle dessert son sexe quand Bill Murray apparaît. Tu la déshabilles, l'ombre des seins projetée sur l'écran. Rêve de la statue nue sans tête. À 360 tours minutes, ça tourne, ça le retourne, elle, elle le retourne. Ses seins, son ventre, son nombril, sa tête, ça. On revient aux carottes pas cuites. Un extrait d'hiver qui s'appelle « Quelquefois ». Le raté dans le moteur, l'incalculé, saison morte, tu vas voir ce que tu vas voir, enchantement aussi. Virgule à ne plus savoir qu'en faire, point de mire, point final, on s'accroche, se dédie et négation. Ne pas pousser trop fort les autres, attendre qu'on soit poussé, et rafler ton ten et ton, le bonheur. Recopier les clichés, leur donner un semblant de vérité, mesurer le mot, puis un envoi express. Faire mal où ça fait mal, récupérer ce qui n'a pas de nom, pas encore chercher le crépitement, irruption d'une colline où poser ses fesses, au propre comme au figuré, le moelleux, le tendre, et s'embarquer. Batterie de projet, on en prend un seul, pas la mer à boire, c'est le projet dont. On y va tous, c'est bon. Suffit de savoir piquer un sprint, piquer tout court, parfois long, mais pas de mélange, un dérangement subi. N'explique pas amertume dans le brouillard, pas de claquement de doigts, silence radio. On déplace les gouffres. Tomber dedans est une expression à tout faire quand ce sont les autres, bulles d'air, poumons gonflés, à éclater, ils éclatent, encore trêve de réalité. On câline, cajole. On est surpris d'aimer la compote de pommes et le compotier, les sardines à l'huile, les huiles tout court. Prendre son temps sans reculer, faire avec, visiter la chaîne de montagne qui pend au-dessus du lustre, nettoyer le four, ensuite recommencer, tâche après tâche, fondre sur l'ennemi en regardant un match. Il est l'heure, est un quelquefois qui prend son temps, à la fois astiqueur de désir, pressing au basket. Dans brosse à reluire, l'indispensable foi dans l'ampoule, celle qu'on projette sur un visage à la rancune tenace. Sinon, petits chevaux avec l'infance, un dimanche, la bière, la femme, les œufs au lait et des vacances à Nice au mois de juillet ou dans n'importe quel pays avec devanture d'agence bleue. Ciel. On radote. On blasphème, on prend le taxi songeur, compter fait mal à la tête, mais on compte, les quelques fois, les emprunts aux fantasmes, on vit de cire-pompe, grignoter au sachien balai-chiotte. Heureux, emporte la bouche de A sur A zéro patate, une collection de Malmstroms à ne prendre qu'en extrême urgence, oreilles grandes ouvertes, on aime le progrès, une bombe à retardement aux morceaux patiemment recollés. On en veut au saumon d'être moderne et de nager contre le courant, courant d'air. On s'exprime, c'est vrai, à l'emporte-pièce. On ouvre les mirettes à poésie et légiaque. Entendu dans le métro, c'est un gros mot, oh oui, on se plaint, on se plaît sans plaire. On va en suivant les indications sur la boîte de peur de l'ouvrir et découvrir Pandore nu sur un calendrier de garangistes ou de pompistes, c'est normal. On vote pour les sortants, pour les sortir, quand on vote s'il pleut, ou l'infance réclame l'isoloir, de toucher le tissu, avoir peur. Dans le noir, on court, on ne peut pas tout faire, et des tours, et le poulet du dimanche et la visite aux forêts, aux eaux, et contempler les animaux drôles de zèbres et ah, la vache dans l'album. Sépulcral. Le feu s'éteint, le jour vient, il flotte encore. Le crédit à mort franchit saboteur. Encore heureux qu'on soit là pour dire faire sinon défaire. Défaite où va le monde, on se demande parfois. On aimerait disparaître dans une campagne extasiée, faire pousser des choux d'or et s'asseoir dessus, comme tout le monde. Avant on le déluge et ça recommence. C'est un reproche qu'on fait à la police ou aux gens qui sont au gouvernement. Belote, sang, attend. Rebelote, pas rassurant. Dix de d'air, d'enfer. Tourne-broche à la rencontre de gaz naturel. Pétard mouillé et collègues, main aux fesses. Ce n'est pas ça la vie, ça coûte. Certains jours, le gel miroir en faillite, retourner le gant pour retourner le changement, même flou. Le maire le parle aux oies. T'as vu ma tête, pas inscrit dessus, pigeon. Le merle parle à quoi le merle, mort, battu, en neige, devine qui, pas de souci, irresponsablement beaucoup trop long pour s'en sortir vivant. Il y a encore des canaques, encore que c'est rassurant. Idée après idée, on démaille les idées chez mes deux et bourg et ratatam, terminaison obscure, faudrait voir à ne pas déplaire à madame Machin et à monsieur Truc. Quand on dit « merde » à table, entre deux gorgées de merlouse, car le merlouse, c'est bon. Inanité, bougeoir, fresco, frisco, brouillage et l'étoffe bleue dynamite, la mafia ou quoi, on est délogé sur le tard, lyrique, car on a chanté Brel a cappella. Au risque tout, des formes déformées, impression de déjà-vu, la veduta, une avalanche, trop de grains le trou, dans la carte postale, pour y comprendre quelque chose. On s'ennuie, on est chez soi. Somnolence, rata de l'incompossibilité plausible entre le quotidien et la pêche au quotidien. Télé, minute, giration, quitter ou rester. On aime Moleskine pour son cas. Là, retrouver prochain jeu olympique, en faire toute une histoire pour un patin picotement dans les cuisses. On aimerait poids et poids, pêche, citron, pressé, un ange passe. Mais c'est encore hiver, coin du givre, et retard, et santé défaille, il est encore une heure de trop dans le bus ou l'auto, le portrait d'un savon, savonné d'idées grises et d'un désir débraillé de s'en foutre, enfin, et de foutre le camp. Le rétroviseur, en plein dans la poire, la longue marche de Mao et des dizaines de cuites à ranger, des dossiers dans un morceau de ciel bleu poisseux. On s'irrite, on irrite, vivacité d'un doigt, rebord de la fenêtre, gelé. Un paysage en débandade fait venir lentement le froid au cœur, près sans colchique, irruption de l'avant. Mémoire par choc pour désabuser. On sème de croire qu'il n'est pas pour longtemps le temps des poires, des navets, on entend lavette, mais pas on, qui entend incisif, minuscule, kleenexisé, rapidement. On souffle dans des ballons de rechange, vitalisation des biens, nouveau, chien, nouvelle, maison, dans garage, et dans garage, le garage, eh bien voilà, c'est nouveau, c'est voilà, voilà. On n'a que faire des voilà, on voudrait aussi des voici, des là, des ici, et des cartes routières pour se perdre enfin, seul, presque sûr de tomber dans les pièges, ni de poule, standard, à profondeur variable, cependant nette d'impôts. La cuisse trouve son aile et vole les assiettes. On enterre BA, ce qui doit, ce qui peut. On espère un et un quoi, un moment, un trop, plein. Soulagerait le récurrent, la bite à l'air enfin pour avoir la chanson. Dernier coup, dernier, languide, on ne se reconnaît pas, on amincit, libère une question posée à n'importe quoi, posée à plat sur le plat de lentilles gelées, saoulant la vie, celle qui chère coûte autant qu'elle rapporte. Il m'en reste pas mal, si ça vous embête, je continue pas. J'en refais une. Non. Je vais vous lire des extraits d'Aléa. Donc là, les carottes sont encore cuites, qui s'appelle Souve. 1. Prenez souvent le parti d'en rire, puisque, à manger des cerises vertes dans l'arbre, Y prononçait un discours devant les militants, à jeter les noyaux dans le, c'est à la porte de l'usine, une virgule en trop ou en moins, X est rentré sous, mais le discours, disait-il, mais le, il faut cracher loin et loin, c'est rien, c'est le dire, comme Y enflammé, prix, salaire, profit, comme il referme la grille doucement, joue à la corde à sauter, chez la voisine l'horloge, mais chez lui aussi, puisque quoi ? X aime bien Poulidor, à manger des cerises vertes, des cerises comme celle-là, non, n'existe pas. L'histoire n'a pas de commencement, d'abord il n'y a. 2. L'histoire, si, le radeau de la Méduse, carte postale de Saint-Raphaël, X dit non à De Gaulle, à l'UDR, c'est pompe la merde, comme il dirait Pompidou. L'histoire, Coucy, où l'homme de Kiev à la télévision lui a fait penser à pleurer en mettant ses chaussettes. Coussa, à cause des œufs sans doute. Quand en Côte d'Ivoire, c'est où, là, dit le doigt, ne comprend pas les relations conflictuelles exercées, en extase, devant une anamorphose de Chaban, mon colon, dit X. L'histoire, non vraiment. Il n'insiste pas, c'est un moment de veille. Il compte sur ses doigts, puis dans sa tête, va jusqu'à 60, reprend plusieurs fois. Les lions au-delà, X, dit la mort, l'oncle, béret plage, lui, ne sait pas. 3. Formes irrégulières, marron tombe sans prévenir sur la chaussée ou sur le trottoir, on dit, il parle, en marchant, il parle, il dit, mais plus vite, si. C'est un secret, une course, mais en parler maintenant. Le cyclomoteur de D pédarade pendant 10 minutes entre Rouget et le lycée. Le vélo de S grimpe la côte en 30 secondes. Z se rend à l'école publique en 3 minutes, il parle. Observe pour la seconde fois le verbe tomber, feuille de platane sur un capot de voiture, bascule le corps en avant, évalue le danger, caresse l'idée d'une chute, corps pareil à feuille, oscille, se dit-il. Oscille, comme le vocabulaire est riche, il ne connaît que ce mot, correspond à la légère torsion du corps, la terre entière dans son champ de vision, main. La description est impossible, le monde trop précipité, écorché, l'œil trop rapproché de la surface, le gravier logé dans la plaie, le temps trop précieux, mais évanoui, la course perdue à jamais, si elle a commencé, les mains trop tendues, une cloche sonne, un autre marron, rien qui le retienne ou prévienne, le spectacle précoce, ray de lumière entre les volets, un œil sans doute logé entre, mais pourquoi revenir ? D'autres figures se dressent, casser jeu de cube, cloquer la cloque, lisser tas de sable, déplacer, puis la pelle, la pioche, le marteau frappeur, les démolisseurs constructeurs, bruit, cri et parole, entre ciel et terre, estomac ouvreur, tache brunâtre, joue creusée, état à redéfinir, marche à suivre, le réveil est quand, main féminine est quand, le ray de lumière entre les volets, tant de choses lui appartiennent, en suspension, dans l'espace. 4. Il n'y a pas de 4, il n'y a pas de souve. 5. Il se souvient de toutes les photos prises, surtout celles où, puis encore d'autres, dans le jardin, sous la véranda, dans la maison, à l'école, la première comme la dernière d'un cycle, et ainsi de suite. Tout est étudié, classé, daté. Il garde ou rejette, selon l'intérêt, le cadre, les attitudes, l'état, selon quoi d'autre. Ses pouvoirs sont illimités comme accordéon va avec hallucination, chien avec table roulante, père avec casquette, zéro avec encoignure, Sherlock Holmes avec kermesse, plage avec robe et rocher et vague et voilier au loin, déesse avec étang et tête d'homme et poste de radio et éboulement comme hiver, printemps, été, automne, subsidiaire, comme pourtant, comme parfois se vider, passer le ring, le métro en construction, la casquette s'envole dans le train fantôme ou le train, la ceinture du parc, la double ceinture, entre les arbres et les montants des fenêtres, la grand-roue, la base de l'église, s'élevant à 40 degrés, la tête de l'enfant jouxtant le rebord, quatre corps alignés le long d'un mur, sans tête, plus encore avec, et dans un paysage, puits de Sancy, salle à manger, fête foraine, rue, sans arrêt, mitraillage, le panorama vu du château fort donne ceci. Forêt, plaine, chapeau. Devant les arènes de Vérone, avant la pluie, la tête légèrement tournée vers une immense gondole aperçue. Encore un extrait d'Aléa qui s'appelle « Mais quand t'es la lune rousse ?» 1. À la Saint-Paulin, prends-les, patins et regarde. Au mur, il fera beau, mais quand, dimanche, un croissant là, ne t'approche pas. Et là, comme ministre, 1895, instruction publique et bientôt, pas de prévision pour bientôt, bientôt du vent, de la neige, la Saint-Barnard ne t'approche pas, ou patine jusqu'à, la porte est accrochée le, celui de l'an dernier, la pleine lune tombait un samedi. 2. À la Sainte-Apolline, pense donc eux, déjà. N'oublie pas farine, page 42, la recette. Ce qui manque, le sel. Pas la poêle, ça va. Mouille ton index. Drôle de tête sans mâchoire. Nom, prénom, qualité, marée de 60, son coefficient. Pas la page temps, trouve-la. Mouille ton index. Train de 7 heures, Rennes-Saint-Malo. Arrivée, départ, Vénus dans la Vierge. C'est à 9h30, trouve pas. Le carême tombait un dimanche. 3. À la Sainte-Amédée, tiens, le voilà, qui rit malgré, sa gratte récure, frotte, prends-les, messie, ça craque, c'est un samedi, les patins ou rien, l'express de 8h est à 8h10, désormais. Sans plus, et tout s'efface, une opinion, page tournée, une opinion, la même page, la lune noire tombait un jeudi. 4. À la Saint-Marc, il pleut. Prononce dark ages, entre parenthèses, articulé anglais, historique et traduit. Mais bref, pas d'un fil, pas d'un. L'avait bien lu. L'an dernier, beau temps, au conditionnel passé. Qu'est-ce que ça tourne? Compte sur ses doigts, reprend. 4. Oh, 4. Moi, à ne rien faire. L'alphabet, en gros, tombe sur le D. Comme Pâques, au passé du verbe, c'était dimanche. 5. À la Sainte-Denise, avant, bien avant, la montée, les montées et reprise, carte des académies, code, postal et code. Pour appeler votre correspondant, il vous faut la norme. Montons son opinion, sa forge, son étendue. Gros gain pour les Gémeaux, ou gros grain, ou rien. Taureau, pas de sentiment, pas d'amour pour l'instant. Le premier quartier tombait un lundi. 6. À la Saint-Médard, n'a rien senti. Gouttelette, 40 jours, peut-être. Plus tard, ce n'est pas prévu. Antidérapant, météo, politico. Ce qui n'est pas prévu n'existe pas, et conjugué au futur simple, retenir, simple, adjectif, tranquille, docilité de la lecture. À la Saint-Fernand, pense tôt, vacances, si elles existent, et ne pense pas au. Le doigt suit le calendrier, répétition des traces, changer du décor, le nouveau directeur se nomme X, et la lune tombait un. 7. À la Saint, on a dansé sur, pas impérial, mais national, écrit. La Java la plus belle, la zone A comprend. Autre Caen, Nantes, Grenoble, c'était à Caen, zone buvette, trois demi, avalé et retour, chez soi, sol sec, néant, patine, trop tard pour, trop tard c'est tout, demain fêter la fête à qui, blanc, la blancheur du jour précédent, pas mal de moules, mer bleuche, bon coef, le dimanche en culotte courte, la pleine lune tombait ce jour-là. 8. À la Sainte-Claire, lecture d'enfant, tracé précédant le suie, la terre, ronde et les contours des continents ou contines, une, c'est pour toi la prune, grosse comme, et deux, pas si vite, fermer un tiroir, crayon entre les dents, et trois, nous irons au bois, gravé par Durer, umlaut sur le U, fait à souhaiter Clarisse, le deuxième quartier, tombait un samedi. 9. À la Saint-Aimé, des idées toutes faites. Sur temps, chouan, marchand, préjugé. L'été est été et la loi inflexible. Baisser les yeux sans désir et elle les baisse. Élie observe, écoute. N'écoute que, c'est l'écoute maximale. Le regain, la boucle bien bouclée. Regain, rien gagné sauf. Et toute blanche au début, lamelle teintée de glauque, jeter l'eau et dans une poêle le droit de manger et se taire et manger et se taire en mangeant, tiens, l'automne tombait un mardi. 10. À la Saint-Bertrand, c'est Bruno que l'on fête, humide les pages collées recto verso. Déchirés et empreintes, portraits en pied, pleine page, général à Mognon, parle. Dit-il et ne dit-il pas, pourquoi ? L'automne est l'automne, et la vie, dans les lectures pour tous, il creuse. Discours d'esclaves, et leur est destinée. La surface des choses, c'est toujours, toujours la surface. Après trois, quatre, du beau, du bon, du bonnet, la lune, un jeudi, s'est levé. 11. À la Saint Macabre, rime avec starbre, chêne constellé. Aux origines, erratum glissé dans le dictionnaire, croit ajouter et pourtant soustrait, il le faut. Ajoute et soustrait sans soustraire, entre star et starets, ou stariets, l'absence de variation. Pour fêter Tanguy, il le faut, un fouet. Et pour fêter, des sous-vêtements, des bouts, des bribes, des riens, il le faut. Pour Herman, c'est trop tard, on ne sait pas, le faut-il. Comme la lune, laquelle et quand elle tombait. 12. Plus de la truc est chose, cela ne finit pas. Retour à un n'est pas un, et 12 suit 11, mais ne sont ni 11 ni 12. Il ne sait rien, ou le cache, post-it à la page, son intérêt, tout au long de. Pour la cavalerie cubaine, Bernard Thévenet, la cuisine swab, les mandragores, le génie du lieu, Mandrake et Okapi, les signes chinois et les tarots, la valse des adieux, Biafra de l'esprit, 20 ans et toutes ses dents, lambada, haro sur le baudet, haro, aura, ara, ra. 13. Je vous en fais un dernier, si vous n'êtes pas trop fatigué. Qui est tiré de Hiver, qui s'appelle Du soir. Le rideau tombe vite sans nécessité. D'autres poursuivent le rythme à grande échelle fixé par des accords bilatéraux. La télé tombe dans la vivisection des ombres et des combats. Minuit, les couvertures est une expression commode pour les batifoleurs de carnes et de radiesthésie chômeuse. Suffit pas de crier « Vive la France !» pour avoir du pain à manger. On s'auto-justifie à poil devant la glace noire, en sterne non identifié, volant la loi du transit dans un aéroport borgne. Que va-t-on arrêter ? L'espace, ou cet espace sans bord que réclament les successeurs de dames si balafrées qu'elles meurent dans les bras. Il y a un hic, quel orgasme leur prêter, leur sein pressé si violemment et leur sexe que l'on a du mal à reconnaître parmi les fragments. Distinguer les arbres est une autre affaire. luxe, perte et casuistique. L'époque est entr'ouverte, disons, flottante comme toute eau posée dans l'huile. Le cynisme est un arrêt, protecteur. Devant le four à micro-ondes, il fait son effet, protecteur et destructeur, tant la chaleur innerve le citoyen, vorace de beautiful. De gauche à droite, il y a des moyens dans le bégaiement des soirées où rien ne bouge excepté la place du cul sur la chaise percée, ou la phrase du même assoiffée de breuvage. On est fatigué, pardonne-t-on. Si l'on quitte l'impardonnable, reste le lit, un lit au fond duquel qui se glisse et qui vient si tout est pour tout et pour tous. Personne. Impersonnelle vie et viatique, à portée léger vient le lourd, pour quelle raison? Vient avec love et innervation, carte de la bite tendre à jouer seule dans les WC si elle n'est pas rentrée et quand l'infance dort. Dans le bureau rectangle, jouer à faire peur à la sérénité des idiomes corsetés de génie poétique. Le compute tombe des mains, comme les neiges fondent de l'autre côté du jardin. Aucune supputation de gel, pourtant les dahlias gelèrent. Eux aussi. La vie humaine, auto-justification. Une rainette posée sur une feuille d'arbre est verte. Posée sur un mur, elle prend une couleur de terre. Un lézard apparaît et disparaît entre les touffes d'herbe, a une raie verte sur le dos. Un lézard qui vit dans le sable du désert prend la teinte du sable. Le mimétisme, auto-justification. Dans la glace noire, l'extension maximum d'un tiret long. Sur les épaules d'un vol annulé et pas suspendu, le temps efface la précaution. Tête baissée dans les ruines, à Pintin mort sur du verglas, un travail non fini à temps. Toute glace renvoie un visage, il s'y contemple et le pus gicle et déshabille. Des réminiscences viennent, telles « je voudrais vous y voir » est une phrase lasse, parfois lassante, un trou normand de l'énergie qui n'engage à rien, excepté à sa dépense. « Je voudrais vous y voir » Le grincement d'un ressort donne le là injuste du ras-le-bol général que le on confisque. Après deux vodkas, ça va mieux, dit-on. La journée est finie, dit-on, dans la torpeur individuelle et incessible d'un écran blanc que l'on ranime d'un claquement de doigts. L'oreiller posé par terre, le désir irrépressible sans bâiller d'en finir, le pied coincé sur la pédale d'embrayage, manche à balai d'hiver, le pare-brise givré, naviguer à vue une étoile. D'autres disent rien à faire, dénoncent les rainettes et leurs doigts engourdis. Un accident du travail résout le système D par l'inadvertance. Si l'on multipliait les clapotis de sommeil par la somme des rabots mal aiguisés, on saurait la raison de la modicité des pensions de jeunes veuves. Après quatre vodkas, ça va mieux, dit-on. Les disques de Mike Brandt s'étire jusqu'au pelotonné, inconscient final, fier de leur nouveauté. Autrefois, on tapait du poing sur la table pour dire non. Ce soir, on égratigne le tapis, car le sempiternel aboyeur de robe à pouf vous a dit non, variations épocales. De biais, on donne dans le miroir aux alouettes le sang, un avatar de l'histoire, la pierre philosophale, la prétention à légitimer se renforce de majuscules, ainsi, État, Église, port. Les ports restent de marbre, ne prétendent pas à l'humain, qui prennent les échangeurs pour des aires d'attraction libérées. Qui est-on? Ou de moins, quoi est-on? La langue récurée au jet d'Ajax, ni vérité ni mensonge, mais des camelotes verbales, qu'on danse le temps d'un été. Qui est-on? Le pas fini encore, non le manqué, ou la bulle d'air manquante des hautes altitudes, grand ouf en extra, urgemment renouvelable, tout se tient, on le croit. C'est confondre gestes désordonnés et gesticulations, un progrès en vrac, une inertie débordante, la promesse d'inachevé, le désordre du fini. Se jeter du 40e étage d'une tour résout partiellement les questions annexes, celles où pépit le mot « autre » et retomber dans la neige, se regarder dans la glace ou s'offrir un concours de beauté exclusif ou ne rien épargner sans triturer la peau. Quoi ? Les signes font chute, on n'embrasse plus les enfants, on ne crie plus à votre bon cœur, monsieur, dame, on joue la partie patte ou nini patte en l'air pour s'oublier ou contempler son sexe sur du papier glacé. L'hiver lave les traces ou l'hibernation en soi. On va au lit comme, par exemple, Nabokov, seul, sûr de tordre le cou au néant par des pensées sublimes. Demain égal, tout reste à faire. Balayer l'escalier, jucher sur la rampe, ziou, mot très bas ou très basse tension, à l'égrènement suspendu du chapelet moutonnier. La seule mention d'un homme de 50 ans après sa mort devrait le condamner ad vitam aeternam aux enfers. Effet boomerang de l'auto-justification. Miroir de l'oreiller. Un noir ou courant alternatif avec blanc cassé et brouillard épais sur la terre promise. Pensée. Traversée épaisse des glaces friables. Tunnel à clignotement lent de plus en plus long. Compter de 1 à et se retourner justifié dans la position du mort.